comme ils peuvent. Et qui leur font pousser des fleurs d'orchidées dans la tête des drogués. On sait plus où donner de la tête avec tous nos problèmes. On voudrait changer d'air, chanter une autre rengaine. Mais il n'y a qu'un seul problème, c'est le pouvoir. Le tout c'est de le savoir. Un seul problème, c'est le pouvoir. Un seul problème, c'est le pouvoir. Dans le sens contraire du poil. Alors offrez donc à Dieu vos fleurs d'orchidée en hommage à la rage. Alors offrez donc à Dieu vos fleurs d'orchidée en hommage à la rage. Et il n'y a qu'un seul problème, c'est le pouvoir. Le tout c'est de savoir.